Chapitre troisième. Bien tranquille, hélas. Le fils passionné ne devait pas demeurer longtemps dans cette sécurité que le fidèle domestique lui promettait. Le pressentiment dont il avait été aussitôt saisi en apprenant l'assassinat de M. Stenhackers allait trop vite se réaliser dans des conditions autrement terribles. Il semble vraiment qu'il se produise dans certaines destinées, et sans que nous puissions d'aucune manière comprendre pourquoi, un phénomène analogue à celui que les joueurs expriment par les mots très vulgaires et très mystérieux, très puérils et très exacts, de chance et de malchance. Les plus humbles, les plus modestes personnalités se trouvent tout d'un coup subir comme des passes d'événements tragiques. Ajoutons, pour réduire à une proportion exacte ces énigmes déjà si déconcertantes du sort, que ces séries noires ne sont d'ordinaire qu'une suite assez logique du premier de ces événements. Sans l'accident de Moscou, François n'aurait eu à redouter aucun contre-coup sur sa mère de l'attentat commis par la prétendue Madame Nutsved. Surtout, il n'aurait pas eu à traverser la crise cruelle de conscience et de sensibilité qui se préparait pour lui à son insu. Persuadé que la surveillance de Pierre et de Louise ne laisserait rien passer qui apprît à leur maîtresse ce crime trop pareil à l'autre, il avait pu aborder sa mère avec une physionomie enjouée, et il l'avait trouvée elle-même dans son humeur des meilleurs jours. Il l'avait promenée, comme à l'habitude, avant le dîner, le long de l'Arve et du lac. Assis sur leur tronc favori, ensemble ils avaient admiré la pourpre et l'or du calme soir reflété dans les nuages légers du ciel, sur les crêtes aiguës des glaciers, au miroir frissonnant des eaux. Rentrés, ils avaient dîné en tête à tête dans la salle à manger du rez-de-chaussée, s'abandonnant au charme apaisé du long crépuscule, la mer plus gaie, plus causante qu'elle n'avait été depuis des mois, le fils observant avec une joie, ému encore de crainte, le regard plus vif de ses yeux bruns dont il avait tant redouté la sombre flamme, l'effacement, sur ce front encadré de cheveux gris, du pli sinistre qui l'avait tant préoccupé, le sourire enfin revenu sur cette bouche crispée d'amertume. Après le repas, il s'était retiré dans la bibliothèque qui se trouvait elle aussi de plein pied avec le parc. Madame de Besset, étendue sur une chaise longue, avait pris un ouvrage dont ses aiguilles continuaient automatiquement le tricot, dans le demi-jour tout près d'être l'ombre. Elle ne laissait apporter des lampes qu'à la dernière extrémité, par goût de mélancolique pour la tristesse de cette heure. François, assis à un bureau, rangeait ses notes de l'après-midi. Il se croyait bien à l'abri, certes, et bien à l'abri sa mère, quand un premier petit fait, presque immédiatement suivi d'un second, lui serra tout à coup le cœur de cette angoisse que Robinson éprouva lorsqu'il aperçut, imprimé sur le sable humide du rivage, des traces de pas humains. Ce fut d'abord l'apparition, devant la porte-fenêtre, du domestique, venu là évidemment pour attirer l'attention de son jeune maître en trompant celle de Madame de Besset. C'était l'heure du dîner des gens. « Monsieur, » dit-il à François, quand celui-ci fut sorti de la chambre sous le prétexte d'aller chercher un livre oublié chez lui. Le batelier Hartmann a couru depuis Scherzlingen pour nous prévenir que la police de Thun y fait une descente. On va fouiller les maisons et les jardins. La femme de Muren, celle qui a tué ce monsieur belge en se trompant, est par ici. Elle a été vue. Hartmann sait le malheur de madame, et comme elle est restée impressionnable, alors il a cru devoir nous avertir pour qu'elle ne soit pas trop surprise. « Allez à la porte du parc tout de suite, » répondit le jeune homme. Aussitôt que les agents se présenteront, vous leur direz simplement la vérité. Ils doivent le savoir, eux aussi d'ailleurs, qu'il y a dans la maison une dame très souffrante, à qui les médecins défendent les émotions. Ils n'ont qu'à me faire appeler, je leur servirai moi-même de guide. Il n'y avait pas 5 minutes que cette menace nouvelle lui avait été apportée, et François, revenu auprès de sa mère, était en train de combiner dans sa pensée le plan à suivre pour l'abuser, même si les gens de la police passaient outre à ses supplications et pénétraient brutalement dans le château. Tout d'un coup, il crut que son cœur s'arrêtait de battre. Il lui sembla que du fond d'une des allées du parc, et dans ce crépuscule maintenant tombé, quelqu'un débouchait en hésitant. Une forme de femme se dessinait, avançait lentement. Elle s'arrêtait, se dissimulait. Soudain, et comme si elle en avait assez de temps reculé devant l'inévitable, cette personne se mit à marcher délibérément du côté de la maison en continuant à raser les massifs des arbres. À cette seconde, le sang de François se glaça littéralement dans ses veines. Sa mère, dont la chaise longue tournait par bonheur le dos à la fenêtre, s'est élevée. « Il commence à faire tout à fait noir, » disait-elle. « Je vais sonner pour la lampe. » Qu'elle regarda derrière elle, elle aussi apercevrait la visiteuse, sur l'identité de laquelle le jeune homme avait déjà plus qu'un soupçon. Les policiers étaient sur les traces de la nihiliste de Muren. Celle-ci était dans les environs. Cette femme ne pouvait être qu'elle. Dieu ! Que le geste de Madame de Besset secoua d'émotion son fils. Une autre bonne chance voulut qu'une fois le timbre pressé, elle remarqua un petit dérangement dans un des rayons de la bibliothèque. « On n'habituera jamais ce pauvre Pierre à avoir de l'ordre, » gémit-elle. « Quand il époussette les volumes, il ne peut pas les remettre comme ils étaient. En voilà toute une série qui ont les titres en bas. Mais où vas-tu, François ?»« Marche un peu dans le parc, maman, » répondit-il, « avant que l'on apporte les lumières. » Le son de sa voix était si altéré qu'il en demeura surpris lui-même. La mère n'y prit pas garde. Bien souvent, le fils s'était inquiété de ce rétrécissement du champ de la pensée, qui faisait que la malade s'absorbait tout entière, et avec une fièvre anxieuse, dans des soins d'intérieur aussi minuscules. Dans la circonstance, c'était une possibilité de plus pour la réussite du projet que l'apparition de la criminelle de Muren, si c'était elle pourtant, coïncidant avec l'imminente arrivée de la police, venait de faire surgir devant son esprit dans un spasme de terreur. Toute la question était qu'il pût aborder cette femme sans qu'elle fît un acte qui décelât sa présence d'une façon indiscutable. Avec cette rapidité, cette précision quasi somnambulique que prennent nos pensées et nos mouvements dans ces crises où la moindre erreur serait d'une incalculable conséquence, François était sorti de la bibliothèque par la porte-fenêtre ouverte sur l'allée même par où s'avançait la visiteuse suspecte. Il était sûr, et son calcul se trouva juste, qu'elle aurait pour premier instinct de se cacher, à la vue d'un des habitants du château venant droit sur elle. Il n'avait pas fait deux pas, que la silhouette de la fugitive se dérobait en effet dans les massifs. Il continua de marcher, d'un pas qu'il eut le courage de ne pas accélérer. S'il était vraiment la Madame Nordsved qui avait tué l'inoffensive Stenakers, l'inconnu était certainement armé, et non moins certainement elle n'hésiterait pas à tirer sur quelqu'un qui voudrait l'arrêter. Il s'agissait donc pour François de se comporter dans ses allures comme s'il ne l'avait pas vue. Ses manières d'être à elle indiquaient assez qu'elle était arrivée dans le parc avec l'intention de s'adresser aux hôtes de Stockhorn pour leur demander quoi, un asile, un secours, qu'importait. L'imploration qu'elle se préparait à faire sur le seuil de la porte, elle la formulerait sans aucun doute dès maintenant, pourvu qu'elle ne prît pas peur. L'héroïque garçon se rendait bien compte de ce qu'il risquait. Mais il n'était pas pour rien l'enfant d'un soldat, et si le pouls lui battait de nouveau plus fort à mesure qu'il approchait de l'endroit où s'était cachée la femme, celle-ci ne pouvait certes pas soupçonner cette émotion. Ils étaient maintenant à 5 pas l'un de l'autre. Brusquement, le jeune homme s'arrêta. La femme dut croire qu'il venait de l'apercevoir. Elle mit la main dans la poche de sa robe pour y chercher son revolver. Comment faire pour qu'elle ne tirât point? Tout d'un coup, François se souvint d'avoir lu, dans des récits de voyage, qu'aux États-Unis, les voleurs crient à ceux qu'ils abordent « Hands up, les mains en l'air !» Il leva les siennes, d'un geste répété, pour lui démontrer qu'il n'avait pas d'armes, et il osa s'avancer davantage en disant d'une voix, dont l'accent à demi baissé révélait le danger tout proche, « Madame, madame, voyez, vous n'avez rien à craindre de moi. Mais ne criez pas, ne bougez pas, ne sortez pas de ce taillis. Que rien ne trahisse votre présence ou vous êtes perdu. La police vous cherche dans tout notre village. Au moment où je vous parle, peut-être les agents sont-ils déjà au château. Vous devez me croire. Je vous en supplie, croyez-moi. J'étais dans une des chambres d'en bas, tout à l'heure, quand vous avez débouché dans cette allée. Je vous ai observé quelques instants. J'ai compris que vous vous cachiez. Et avec ce que je savais de cette battue de la police et votre signalement dans les journaux, j'ai deviné qui vous êtes. Vous venez de Muren, où vous faisiez appeler Madame Nordsved. Vous voyez que je suis renseigné. Ne me répondez pas. Je vous dis cela pour bien vous prouver dans quelles intentions je viens vers vous. Je sais ce que vous avez fait. Je n'avais qu'à vous laisser vous approcher du château, vous étiez prise. Si je suis ici, c'est que j'ai une raison pour vous aider à vous sauver. Mais suivez-moi. Il faut que vous me suiviez. Il était tout près de Madame Nordsved maintenant. Ses craintes filiales ne l'avaient pas trompé. C'était bien l'assassine de l'infortuné Stenakers que les hasards de sa fuite avait amené dans ce coin l'un des plus sauvages et des plus solitaires des bords du lac. Son silence seul devant ce discours du jeune homme constituait un aveu qui, dans une autre circonstance, l'aurait soulevé, lui, d'un frisson d'horreur. Toutes ses puissances de sentir étaient comme anéanties par cette idée que l'arrestation pouvait avoir lieu dans le parc, si près de sa mère, dans le château peut-être, si l'anarchiste russe s'échappait de ce côté-là. Il y aurait un combat si elle se défendait, des coups de feu tirés, du sang répandu, des morts. Madame de Bessay entendrait les détonations. Elle voudrait en savoir la cause. Elle la saurait. Si François avait tremblé de l'effet que produirait sur cette raison ébranlée la simple lecture d'un journal, tout était à redouter d'une scène pareille, jouée peut-être devant la malade elle-même. Ah, peu lui importait que cette femme eût assassiné et que lui-même, en l'aidant, devint son complice. À tout prix, cette nouvelle épreuve serait évitée à sa mère, et il répéta, joignant les mains cette fois, sa supplication. « Oui, il le faut. Je vous donne ma parole d'honneur que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous sauver. Ma parole d'honneur, » répéta-t-il, « croyez-moi. » « Je vous crois, monsieur, » répondit la fugitive. « Montrez-moi le chemin, je vous suis. » Cette fin du crépuscule était assez transparente encore pour que dans la demi-pénombre, les deux jeunes gens puissent distinguer les traits l'un de l'autre. Madame Notsved, gardons-lui ce nom emprunté, dont le mystère n'a pas été pénétré, même après cette aventure et son dénouement. Madame Notsved avait pu reconnaître à la physionomie si expressive de François la sincérité d'une offre, pour elle, absolument énigmatique. Mais comment ne pas l'accepter, dans l'état d'épuisement où elle se trouvait? Elle venait de passer ses 36 heures à courir, comme une bête traquée, n'ayant pas dormi, n'ayant pas mangé, entre Murène, d'où elle s'était échappée d'une façon quasi miraculeuse, et ce château isolé près du lac de Thun qu'elle avait abordé en se disant « Je vais demander là un morceau de pain. Si on me le refuse, je me tuerai. » L'énergie des résolutions suprêmes était empreinte sur ce visage de 25 ans, dont la grâce avait un caractère presque féroce. C'était un masque à demi-maflu, avec des lignes très fines. Sur la pâleur fatiguée, comme ternie du teint, se détachaient deux yeux gris qui dardaient un regard aigu. La bouche mince, entr'ouverte par excès de lassitude, comme si l'air allait lui manquer, découvrait des dents petites, très blanches, un peu séparées. La nuance cendrée des cheveux et des cils achevait de lui donner, même dans ce désordre de toilette, inévitable après ces 2 jours dans les bois, un air de distinction. Visiblement, cette femme était d'un rang social qui rendait plus effrayante l'audace du crime qu'elle avait commis, avec cette même main, gantée d'une peau écaillée et déchirée, pour s'être accrochée aux ronces et aux pierres. Elle était petite de taille, frêle, de cette fragilité résistante où il y a toute la force d'un système nerveux très intact. La souplesse de son pas, pour suivre la marche hâtive de François, malgré son effroyable harassement, le prouvait assez. Ils allèrent ainsi quelques minutes, sans qu'un mot fût échangé entre eux, le long d'un des sentiers du parc, le jeune homme épiant, d'une tête tendue, si aucun appel de pierre ne lui arrivait, pour l'avertir de la présence de la police, la jeune femme étreignant la crosse du revolver caché dans sa poche en cas de surprise. La nuit tombait de plus en plus, et l'épaississement de l'ombre ajoutait à l'impression sinistre de cette cour silencieuse. Ils arrivèrent à une sorte de pavillon en bois, situé précisément à la pointe qui sépare la rivière du lac. Ce kiosque se composait de 2 étages, dont chacun n'avait qu'une chambre. Celle du rez-de-chaussée possédait 2 cabines, destinées aux baigneurs. Elle était encombrée d'instruments de pêche, et elle ouvrait sur un embarcadère auquel était amarré un bateau. La pièce du premier était arrangée pour que l'on pût, durant les jours très chauds, y passer l'après-midi et prendre le thé. Le pavillon fermait avec une clé. François, qui venait là souvent avec sa mère, se rappelait avoir laissé cette clé sur la porte l'avant-veille. Le jardinier l'aurait-il enlevée? La réussite de son plan dépendait de ce détail. Aussi eut-il un réel accent de soulagement pour dire, toujours à voix basse, « La clé est là. Entrez, madame. Prenez garde. Il y a une marche. » Je n'ose pas faire flamber une allumette. Vous allez vous mettre dans cette cabine. Je placerai les filets devant. Je fermerai ensuite la porte du pavillon, et comme la clé sera dehors, quand les gens de police auront constaté qu'un double tour a été donné, ils ne supposeront pas que vous ayez pu entrer par là. Il y a bien l'endroit des bateaux, mais il y a une grille cadenassée. Merci, monsieur, répondit Madame Notsved. Elle avait cette simplicité particulière aux fanatiques et qui contraste si fort avec l'éclat de leurs actes. Ils semblent n'avoir plus la faculté de s'étonner, préparés qu'ils sont, par l'excès de la tension intérieure, aux résolutions les plus extraordinaires. D'ailleurs, ajouta-t-elle, si vous ne réussissez pas à les éloigner d'ici, ces brigands de la police ne mourront pas vivantes. Auparavant, je leur aurais fait payer cher ma mort. En prononçant ces mots, elle tira de sa poche son revolver qu'elle serra contre sa poitrine avec la sauvage énergie d'une outlaw pour laquelle sa propre existence ne compte pas plus que celle des autres. François en frémit jusqu'à la plus profonde racine de son être, et la saisissant par le bras avec une violence qui demeurait toute son attitude précédente. « Madame, s'écria-t-il, non, vous ne ferez pas cela. Jurez-moi que vous ne ferez pas cela. Mais c'est vrai, vous ne pouvez pas comprendre. Écoutez. Dans cette maison vers laquelle vous vous dirigez tout à l'heure, habite une pauvre femme, ma mère. C'est une vieille dame maintenant. Il y a 2 ans, elle était jeune encore. Elle était heureuse. Elle avait un mari qu'elle adorait et qu'il adorait, mon père. Ces 2 êtres n'avaient jamais vécu que pour le bonheur des autres, le mien, celui de leurs parents, de leurs amis, de leurs inférieurs, des pauvres. Mon père a dû aller en Russie. Il se trouvait à Moscou lors de l'attentat dirigé contre le comte Komov. Un de vos co-religionnaires a fait comme vous. Il a frappé au hasard, au risque d'atteindre des innocents. Mon père était un de ces innocents. Il a été tué, tout comme M. Stenakers. M. Stenakers n'était pas un innocent, dit-elle. Il s'appelait Gorka, interrompit François. Vous l'avez cru, vous vous êtes trompé. Je ne me suis pas trompé, insista-t-elle. J'avais le portrait. Vous vous êtes trompé, répéta-t-il avec une exaltation grandissante. Lamentablement trompé. Et voulez-vous savoir les résultats de ces sinistres erreurs? Il y a 2 ans, je vous l'ai déjà dit, que ma mère a appris la terrible nouvelle, et nous en sommes à nous demander si elle gardera sa raison, tant son chagrin a été, tant il est profond. Voilà pourquoi je suis sorti du château comme j'en suis sorti, pourquoi je me suis précipité au-devant de vous quand je vous ai aperçu dans l'allée du parc. Au premier regard, je vous le répète, j'avais deviné qui vous étiez. Ce que j'ai voulu, ce n'est pas été de vous sauver. Je vous aurais arrêté de mes mains plus tôt. Non, ça a été d'épargner à ma pauvre maman l'horrible secousse de votre présence chez elle après que mon père est mort, assassiné par les vôtres. L'horrible secousse aussi d'un combat à quelques pas d'elle, devant elle, qui ne doit pas avoir une émotion. Elle n'en a plus la force. Cette scène, ce serait la folie pour elle, peut-être la mort. Je vous ai donné ma parole, je la tiendrai. Je ferai tout ce que je pourrai humainement pour que vous ne soyez pas prise maintenant. Et pour que vous vous échappiez. Mais si je ne réussis pas, vous me devez de ne pas être la cause d'un affreux malheur. Oui, s'il y a un combat ici, des balles tirées, comment voulez-vous que ma mère n'entende pas le bruit? Je vous parle à voix basse, même dans cet instant où la terreur me bouleverse. Nous ne sommes pas à 50 mètres du château. Ma mère voudra venir, elle viendra. Il s'arrêta, épouvanté lui-même devant l'image qu'il évoquait. Il était si jeune, si nouveau à la vie, malgré la précoce épreuve qu'il avait rendue orphelin, si peu mûr pour la violence d'incidents comme celui où il se trouvait pris. Ses nerfs furent les plus faibles. Il éclata en sanglots. Sa compagne le regardait sans lui répondre. Elle paraissait elle aussi en proie à un trouble dont elle n'était pas tout à fait maîtresse, car elle se laissa tomber sur une des chaises comme si elle n'avait plus la force de se tenir debout. Soudain, un appel traversa l'air. Ce signal, convenu une fois pour toutes entre François et le domestique, afin que celui-ci pût avertir celui-là, à distance, sans éveiller l'attention de Madame de Bessay, consistait dans le simple chantonnement des premières paroles de la Marseillaise. À peine le jeune homme eut-il entendu ces notes chargées pour lui d'un si redoutable sens qu'il se redressa. « Les gens de police approchent, s'ils ne sont pas déjà là, » dit-il. « Pierre me fait savoir qu'il faut que je rentre. J'ai besoin de toute ma force, Madame. » « Me laisserez-vous m'en aller avec cette angoisse ?»« Non, » répondit la fugitive. Elle répéta, comme se parlant à elle-même, « Non, ce ne serait pas juste. Il a un droit sur nous, il l'a. » Puis brusquement, elle tendit son revolver au jeune homme. « Prenez, prenez !» insista-t-elle. « Je vous promettrai, et si j'avais cette arme, je n'aurais sans doute pas la force de tenir ma promesse. Nous avons une dette envers vous. Je vous la paye. Mais faites ce que vous pourrez pour qu'il ne m'arrête pas. Je serai sans défense. » Et subir cela, ce serait trop dur.